Bonjour et bienvenue dans le nouveau magazine scientifique de France Inter, du vent dans les synapses. Deux heures pour exercer notre curiosité tous azimuts. Quasiment toutes les plantes en produisent. Ils sont à l'origine de couleurs, de goûts, d'odeurs et de formes. Ils, ce sont les tanins. Ces molécules ne présentent pas uniquement un intérêt pour les œnologues et les amateurs de thé. Elles jouent des rôles majeurs dans la nature et elles nous rendent bien des services. Nous allons le découvrir dans un instant avec le biologiste Marc-André Sellos. Vers 15h40, dans la revue d'actu de la semaine, Philippe Hénarejos nous parlera d'une étude qui remet en question quelques idées au sujet de la matière noire. Et Sophie Becherel reviendra sur une première mondiale, les premiers pas d'un patient tétraplégique effectué grâce à un exosquelette connecté à son cerveau. En deuxième heure, nous partirons en haute altitude avec le physiologiste Samuel Vergès qui s'intéresse au mal des montagnes et aux effets du manque d'oxygène sur le corps humain. Il nous racontera les expéditions qu'il a menées dans l'Himalaya ou tout récemment dans la Cordillère des Andes, dans la plus haute ville du monde. Et en toute fin d'émission, nous ferons un petit détour par l'Indonésie pour aller à la rencontre des gibbons. Voilà pour le programme du jour. Cette émission est réalisée par Marie-Hélène Fauquet, préparée par Rebecca de Nantes, avec à la technique Léo Prangère et Patrick Henry. France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Belle robe vermeille, un peu violette, bel éclat. C'est un Bordeaux, un grand Bordeaux. Un peu de pourriture noble en suspension. Les impuretés descendent lentement. Ce vin a 23 ans. C'est un 53, une très grande année. Le vin, c'est la terre. Celle-ci est légèrement graveleuse. C'est un Médoc. Bonjour Marc-André Sellos. Bonjour. Vous êtes microbiologiste au Muséum National d'Histoire Naturelle et vous venez de publier « Les goûts et les couleurs du monde, une histoire des tanins, de l'écologie à la santé ». On découvre dans votre livre à quel point les tanins sont omniprésents dans la nature et dans notre quotidien. Nous avons commencé par ce verre de Médoc avec Louis de Funès dans l'aile ou la cuisse. Nous allons voir que le monde des tanins est bien plus vaste que uniquement l'univers des œnologues. Mais commençons donc par le vin. Vous dites dans votre livre que le vin est une des cathédrales des tanins. Dans quelle mesure les tanins façonnent le vin ? Il la façonne de plein de façons qui vont en fait construire toute la sensorialité du vin, toute notre perception du vin. D'abord, c'est la couleur. Comme on l'entendait, la robe du vin, c'est soit les anthocyanes qui sont des tanins dans les vins rouges, soit d'autres tanins comme la quercétine dans les vins blancs, car il y a des tanins dans les vins blancs, quoique un peu moins, qui colorent plutôt en jaune, en vert pâle. Ça, c'est la première chose. Mmh. Ensuite, il y a, quand on porte le vin en bouche, une légère amertume. Ça, c'est vraiment un goût au sens strict. C'est toujours les tanins. Il y a éventuellement une petite âpreté, une astringence, comme on dit, une légère impression de bouche sèche qui passe très bien, en fait, sur les aliments. Ça, c'est les tanins qui, en interagissant avec les protéines qui lubrifient, les protéines de la salive qui lubrifient notre bouche, les empêche de lubrifier et là, vous sentez la rugosité de votre bouche. Et c'est ça qui donne ce toucher du vin, car c'est un toucher. Enfin, beaucoup de ces tanins sont à moitié à l'aise dans l'eau. Ils s'évaporent. Ceux qui font le nez du vin et puis qui font dans l'arrière-nez cette odeur. Et les quelques-uns d'entre eux qui s'agrippent à vos muqueuses et qui, après que vous ayez dégluti, se détachent et montent vers l'arrière-nez, ils font la queue du vin. Donc en fait, c'est une cathédrale parce que tous les sens sont convoqués dans la construction du plaisir du vin. Pour faire l'expérience des tanins, si on se gave de petits fruits rouges, donc là, à tous les âges, on peut le faire, même ceux qui n'ont pas envie de boire de vin avec ces petits fruits rouges, quand on en abuse un peu, ce sont les tanins que l'on sent dans la bouche, cette sensation d'amertume. Oui, qui vient quand on a vraiment abusé, enfin moi étant gosse, je l'ai fait, hein, de fruits rouges, pas forcément très mûrs, on a une amertume qui vient. Et puis le lendemain, ou dans la soirée, le transit intestinal, disons, c'est fâcheusement augmenté, parce qu'en fait, les tanins finissent aussi par interférer avec d'autres protéines qui sont plus loin dans le tube digestif, qui aident à la digestion, nos enzymes digestives, et donc on digère mal. Et c'est comme ça qu'on attrape la chiasse, disons-le, quand on a abusé des fruits pas mûrs, ce que tous les enfants ont fait. En fait, nous faisons l'expérience des tanins à d'innombrables reprises au cours de notre vie. Vous donnez de multiples exemples dans votre livre, l'amertume de l'endive, la couleur des feuilles en automne ou celle des fleurs au printemps, l'odeur du foin coupé, tout ça relève des tanins. Ils sont partout, notamment partout dans les végétaux, car c'est eux qui les synthétisent. Et effectivement, du coup, ils vont diversement habiter notre environnement. Ils sont souvent colorés, donc ils vont donner des couleurs. Ils sont souvent goûtés, donc quand on mange, ils vont contribuer au goût. Mmh. Et puis aussi, ils se volatilisent assez bien. Par exemple, l'odeur du foin coupé, oui, c'est la coumarine. C'est un petit tanin qui, quand le foin sèche, s'échappe. Et d'ailleurs, c'est le même que dans la vodka à l'herbe de bison. D'ailleurs, dans la vodka à l'herbe de bison, il y a un petit morceau de foin dedans, hein, disons-le. Petit hierocloa pour donner le nom de cette plante. Et cette plante donne le goût de coumarine, qui a un goût assez délicieux, assez fin. Je recommande aussi, tiens, de farcir le lapin avec une plante qu'on appelle le mélilot. Ça lui donne ce goût-là quand on le rôtit avec du mélilot dans le ventre. Chimiquement, c'est quoi un tanin, Marc-André Sellos? Alors, c'est une famille de molécules extraordinairement diverses. Hein. On en connaît pratiquement une dizaine de milliers différents, mais... Pour faire simple, et je fais très simple, les chimistes vont peut-être me taper sur les doigts, c'est une molécule qui contient un groupement qu'on appelle un phénol. Ouais. Alors, c'est un groupement qui a la caractéristique d'être souvent coloré, souvent aromatique, et qui va conférer aux tanins leurs propriétés, comme par exemple celle d'interagir avec les protéines. Ouais. C'est une famille de molécules chimiques, tout comme les sucres, ou les protéines, ou les lipides. Sauf que, on parle de ces trois-là, on parle jamais des phénols ou des tanins, pour le dire dans une langue plus accessible. Toutes les plantes produisent des tanins? Oui, oui, justement. Les plantes ont des arsenals chimiques très complexes, avec des terpènes, des alcaloïdes, des tas de choses comme ça. Mais toutes n'ont pas chacune de ces molécules. En revanche, les tanins, c'est vraiment une construction de base de la plante. Et c'est pour ça qu'il y en a vraiment partout. Toutes les plantes en contiennent entre quelques pourcents et 30, 40, 50% parfois. Alors ces molécules, ces tanins, leur permettent par exemple de se défendre. Pour le comprendre, il y a cette histoire que vous racontez dans votre livre. Ça se passe en Afrique du Sud, dans la seconde moitié du XXe siècle, et ça commence comme une sorte d'enquête policière avec des grandes antilopes que l'on nomme koudous, qui meurent dans les parcs naturels. Ah oui, c'est bizarre. On les enclôt pour les protéger de leurs prédateurs et des chasseurs. Et là... elle meurt, alors qu'elle devrait se trouver plus protégée que dans la nature. Au début, c'est un peu l'incompréhension. Et alors, on se rend compte que ces antilopes mangent régulièrement des acacias. Donc on commence à se demander si les acacias dont elles se nourrissent ne sont pas dans le coup. Oui, elles meurent à la période sèche où il reste guère que ces arbres et ces arbustes-là à manger. Et donc l'enquête s'oriente vers ce qui est devenu leur ordinaire en saison sèche. Ouais. C'est à savoir comment ces arbres avaient empoisonné les koudous. Alors les scientifiques ont enquêté. Nous avons reproduit la prédation naturelle des koudous en cueillant ou en endommageant les feuilles d'un même arbre, comme ils le font, sur une période de 3 ou 4 heures. Sans relâche, les étudiants vont agresser un arbre, espérant qu'en retour, l'acacia abusé enclenchera ses armes chimiques. Toutes les demi-heures, en élèves appliqués, les assistantes du professeur lui rapportent les échantillons. Puis il procède à une série d'opérations pour extraire les tanins. Il est évident que le taux de tanin augmente, même sur une courte période de 3 heures. Nous avons découvert que plus la plante est grignotée, plus elle active ses défenses en augmentant le taux de tanin dans ses feuilles. Marc-André Sellos, suite à une agression, les acacias sont capables d'augmenter leur production de tanins pour tuer leurs agresseurs. C'est une réaction des plantes que d'accumuler encore plus ces composés protecteurs quand elles sont mises en péril. Il y a plein de raisons pour ça. D'abord, c'est un antioxydant. Et ça va éviter tous les stress qui sont liés à l'afflux d'oxygène dans les tissus qui se sont retrouvés abîmés. Mais aussi, ce sont des composés qui, on le disait tout à l'heure, vont couper la digestion des animaux, en interagissant avec leurs enzymes digestives. Donc, en gros, ça rend indigeste l'aliment. Donc, c'est une très bonne stratégie, effectivement, dans ces cas-là. Mais en réalité, les koudous qui meurent, ils ne meurent pas de ne pas digérer, ils ne meurent pas de faim. Il y a tellement de tanins, en fait, on arrive jusqu'à 12-13% de tanins en pois sec dans ces acacias. Il y en a tellement que ces tanins rentrent dans le sang. Et là, ils sont retirés du sang par les organes purificateurs du sang, le foie, les reins, et en fait... c'est sans doute de lésions de ces organes-là, d'interaction avec les protéines dans ces organes-là, dans l'intimité du corps de l'animal, que les koudous sont morts. Ce qui a été fatal pour ces grandes antilopes, ces koudous, c'est qu'elles étaient enfermées, qu'elles ne pouvaient pas aller plus loin. Parce qu'habituellement, le système s'autorégulait. C'est-à-dire que les acacias produisaient des tanins, les koudous, en grignotant les feuilles, sentaient le goût changer, une amertume plus prononcée, et allaient brouter des arbres un peu plus loin, laissant tranquille celui qu'ils avaient commencé à attaquer. Mais là, le fait de ne pas pouvoir aller au-delà des barrières font qu'ils se sont acharnés sur les arbres qui étaient devenus mortels. Et oui, ces barrières qui étaient censées les protéger, en les empêchant de bouger et de passer d'arbre en arbre, les ont tout simplement condamnés à manger des arbres qui avaient réagi à leur présence, alors que d'habitude ils se baladent. Et dans leur alimentation, on ne trouve pas plus de 3, 5, 6%, c'est-à-dire la moitié de la charge de tanin à laquelle ils se sont retrouvés confrontés. Ouais. Et ils gèrent une petite quantité de tanin. Je vais vous dire, c'est même des animaux qui, pour bien digérer, ont besoin de tanins, mais pas trop. C'est toujours la dose qui compte. Hein. Oui, c'est ça. Et nous-mêmes, en fait, ce goût, cette amertume que l'on ressent lorsque l'on mange des plantes qui sont fortes en tanins, c'est des messages qu'on nous envoie, c'est censé nous repousser un peu. Ah, mais c'est un avertissement, oui. Oui, oui, aussi bien l'astringence que nous décrivions tout à l'heure, que l'amertume des tanins, que leur odeur. Nous avons été sélectionnés dans notre évolution d'animaux qui se baladaient et qui mangeaient un petit peu de tout pour les détecter. Mmh. Car effectivement, il faut savoir les éviter quand ils sont en abondance. Mmh. Donc, c'est pas un hasard s'ils ont une odeur, s'ils ont un goût, si nous les percevons. C'est que, historiquement, nous devions éviter d'en manger trop. Ouais. Puisque ces tanins ont quand même des propriétés parfois dangereuses, pourquoi les végétaux qui produisent ces tanins n'ont pas leur tissu abîmé? Ah ben c'est une bonne question, parce que les végétaux contiennent aussi des protéines, les cellules végétales contiennent des protéines, et elles pourraient se retrouver aussi empêchées de fonctionner et donc d'accomplir leur rôle au sein de la vie cellulaire. Alors ça renvoie à une propriété particulière des cellules de plantes, par lesquelles les plantes diffèrent des animaux fondamentalement, c'est qu'elles ont une poche dans la cellule, qu'on appelle la vacuole, dont elles se servent essentiellement pour stocker leurs ordures. Alors, c'est une poche qui ne fuit pas, parce qu'évidemment, il est hors de question que les ordures sortent. Ce que j'appelle ordures, c'est les déchets de la vie cellulaire. Mais une fois qu'elles ont cette poche, elles peuvent aussi y stocker des toxines. Et parce que ces toxines restent dans la poche, elles ne vont pas interférer avec la vie de la cellule. Donc la plante a un endroit où elle peut stocker des déchets. Les animaux, non. Perdez-vous dans la nature. Je vous recommande de ne pas manger n'importe quelle plante. 4 plantes sur 5 sont dangereuses pour vous, contiennent des toxiques cachés dans leur vacuole. Mais si vous avez des animaux, mangez-les, hein, parce que eux, ils sont très rarement toxiques, alors que les plantes le sont souvent. Ouais. Les plantes ont une vacuole où elles peuvent planquer des bombes à retardement pour qu'ils les mangeraient et libéreraient le contenu de ces vacuoles, alors que les animaux, eux, non. Ouais. Votre message, manger des animaux plutôt que les plantes, va faire bondir certains auditeurs, Marc-André Sellos. Ce que je retiens, chaque cellule de plante, toute la vie de la plante, accumule ses poubelles. Une drôle de façon de fonctionner. Oui, mais c'est le prix à payer pour une autre particularité des cellules de plantes, qui est d'être prises dans une capsule qu'on appelle la paroi, qui fait que les plantes sont plus rigides. Et là encore, quand vous comparez un animal à une plante, ben la plante est souvent plus rigide que l'animal, qui est souple. Elles sont prises dans une capsule. Alors cette capsule protège et porte la cellule. C'est une sorte de corset. Mais on ne peut plus rejeter ses déchets dehors, parce que sinon on les accumule entre soi et cette paroi. Et ça revient, si vous me passez l'expression, à se chier dessus. Donc, effectivement, la cellule est complètement organisée différemment, et c'est quand les cellules meurent, les feuilles tombent par terre, les vieilles branches tombent par terre, qu'on sort les poubelles, en fait. C'est là que retourne le contenu de ces poubelles cellulaires, les vacuoles, au sol. Les plantes que nous cultivons ont-elles moins de tanins que les plantes sauvages? Oui, bien sûr. Voilà, et c'est pour ça que d'ailleurs, on peut aujourd'hui manger en abondance, pour répondre à ce que vous suggériez tout à l'heure, des végétaux, et qu'on n'est pas obligé de manger que des animaux, évidemment. Oui, oui, quand on a domestiqué les plantes, on a domestiqué des plantes qui contiennent moins de molécules toxiques, et notamment moins de tanins toxiques. On a gardé ceux qui avaient du goût, on a gardé effectivement des choses qui sont en quantité et puis de nature acceptable. Et pour le coup, c'est un peu d'ailleurs pour ça que nos plantes ont un peu besoin d'un coup de main pour se défendre maintenant contre les agressions champignons, bactéries, herbivores et que insectes. Et c'est un petit peu le prix à payer, c'est qu'aujourd'hui, on doit défendre ces plantes qui ne se défendent plus avec des défenses naturelles parce que nous avons sélectionné des plantes moins riches en tanins. Le prix à payer, c'est de mettre des insecticides et des fongicides. Et c'est un grand défi de l'agriculture actuelle que d'arriver à maintenir des plantes qui ont abaissé leur garde, leur défense, sans qu'elles soient malades. Les tanins ne sont pas seulement des épines moléculaires. Hein. Leur rôle chez les plantes sont bien plus vastes. On le découvre en lisant votre livre. Vous dites, en fait, que ces tanins sont les couteaux suisses, c'est votre expression, les couteaux suisses des plantes. On évoquait tout à l'heure le fait qu'elles avaient un rôle antioxydant, ces molécules, ces tanins. Ils ont aussi un rôle contre les radicaux libres. Donc, c'est un peu des choses qui protègent de tous les désordres qui peuvent arriver quand un tissu fonctionne mal. Mmh. Donc, dans toutes les conditions de stress, on va retrouver des tanins éventuellement accumulés spécialement. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'on cultive la vigne dans des sols très secs, où elle accumule plein de tanins parce qu'elle est stressée, mmh. ou le thé en altitude. Les meilleurs thés sont d'altitude parce que le froid, les éclairements forts d'altitude, tout ça induit des tanins. Alors, les tanins ont aussi des rôles, beaucoup sont colorés, on l'a dit. Ouais. Ils protègent contre la lumière aussi. Des jeunes tiges, par exemple, qui poussent hors de la frondaison, vont souvent être assez colorées. Regardez vos rosiers, par exemple. Les jeunes pousses sont rouges. Eh bien, en fait, comme elles poussent hors de la masse et qu'elles sont exposées à des lumières très fortes, elles sont protégées ainsi. Tiens, sur le rosier, vous pouvez même faire la comparaison. Goûtez une feuille verte. Puis une de ces jeunes feuilles rouges des jeunes pousses, vous verrez la différence d'amertume et d'astringence. Les jeunes pousses sont bourrées de tanins qui les protègent des forts éclairements. Comment on goûte une feuille de rose? On mâche franchement, on croque ouais, un peu. On mâchouille puis on crache. Vous verrez, c'est quand même pas fabuleux. Hein. Ouais. Mais oui, par contre, on peut pas, comme je disais tout à l'heure, mettre tous les végétaux dans la bouche. Mais ouais. Si c'est un rosier, là, vous avez le droit. Faites juste attention aux épines et vous mâchouillez, vous verrez se dégager ces caractéristiques aromatiques. Ouais. Et puisqu'ils ont des couleurs, ces tanins, ils jouent aussi un rôle dans la reproduction des plantes. Voilà, ils sont une formidable opportunité à cause de leurs couleurs pour dialoguer avec les animaux. Et en particulier, effectivement, les fleurs qui colorent notre environnement, qui sont vraiment les couleurs du monde. Eh bien, les fleurs sont bourrées de tanins. Les anthocyanes rouges qu'on retrouve dans le vin, les flavonoïdes qui sont plutôt jaunes ou blancs, qui ont même d'ailleurs des couleurs dans les ultraviolets. Alors, vous et moi, on ne voit pas les ultraviolets, mais les insectes, notamment les hyménoptères, comme les abeilles, ils sont très sensibles. Donc, toute la signalétique qui permet aux insectes de repérer les fleurs est liée aux tanins. Mais c'est également vrai pour les animaux qui s'intéressent aux fruits. Et en fait, d'animaux qui s'intéressent aux fruits, vous et moi, le rouge ou le violet sont très appétants. Or, ce sont souvent des couleurs associées aux fruits. Mmh. Nous avons coévolué avec les fruits la capacité de reconnaître ce rouge dans la verdure, parce que pour nous, c'est une source de sucre idéale à la saison où il y en a. Donc nous aussi, nous faisons partie des animaux avec lesquels les plantes dialoguent à coups de tanins. Elles dialoguent, elles nous manipulent même à coups de tanins, finalement. Elles nous attirent, elles nous séduisent grâce à ces couleurs, parfois aux odeurs aussi, qui sont pour certaines liées à ces tanins. Effectivement, il y a quelques odeurs tanniques. Bah, prenons par exemple l'odeur de rose qu'on retrouve aussi dans le litchi. C'est un tanin au sens large, mais le phényléthanol est un tanin tout à fait parfumé. Alors, je ne voudrais pas que les gens mangent n'importe quoi après m'avoir entendu. Oui, c'est ça. Prenez les précautions qu'il faut, s'il vous plaît. Si vous connaissez les cosmos, ouais, des fleurs donc. Oui. Goûtez les grandes pétales. Alors, c'est pas des pétales très exactement, on s'en fiche. Hein. Les grands pétales rouges des cosmos, vous verrez, c'est délicieux. On retrouve le phényléthanol, c'est entre le litchi et la rose. Et donc, effectivement, il y a des odeurs aussi. Ouais. Et puis, les tanins sont aussi responsables, alors là, on entre dans des molécules géantes, sont aussi responsables de la forme des plantes, de celle des arbres. Alors voilà, là, on tourne la page des petits tanins qui peuvent... On rentre dans la cour des grands. Oui, on rentre dans la cour des grands et des gros, pour le coup. Effectivement, ces tanins peuvent s'accrocher ensemble et éventuellement s'accrocher à des choses autour d'eux pour former des super molécules qui, en fait, vont avoir deux rôles dans la plante. Le premier, c'est un rôle de rigidification. On va trouver ça dans les nervures, dans les troncs. Et le bois, c'est des tanins, qu'on appelle très exactement des lignines. Et puis, il y a une autre grosse molécule qui est, elle, plus imperméable, qui est utilisée pour faire l'écorce et qui empêche les fuites de sève, en quelque sorte. Ouais. Hein, qui va imperméabiliser les troncs. C'est la subérine. On retrouve ça dans le liège. Le liège, hein, c'est de l'écorce de chêne-liège. C'est cette grosse molécule imperméable. Donc, là, par contre, c'est des grosses molécules et elles occupent un volume énorme et c'est elles qui font que les tanins, ouais, bon an, mal an, c'est 20 à 40% de la masse vivante des écosystèmes, ouais, à cause de ces grosses molécules. Oui, c'est ça. Alors, on s'étonne de ne pas en avoir entendu plus parler que ça parce qu'en fait, ils sont très présents, ces tanins. Mais que voulez-vous? À force de ne s'intéresser qu'aux animaux, ce qui est une forme d'anthropocentrisme, les animaux ont guère de tanins, ou si on accepte les insectes et quelques bricoles dans les coins, il y a peu d'animaux qui ont des tanins. Ils sont faits de lipides, de glucides et de protides. Et on navigue tous avec cette vision-là, qui est très utile par rapport à l'alimentation. Mais du coup, on omet, parce qu'on ne voit pas le végétal, que lui, il a des tanins, et les tanins, c'est par abondance, juste derrière les glucides, la deuxième famille de molécules dans notre environnement. Les tanins sont partout dans la nature. Ils se sont aussi fait une bonne place sur nos tables. Thé, café, chocolat, clou de girofle. Pourtant, vous nous avez expliqué que certaines plantes empoisonnent leurs agresseurs avec leurs tanins. Vous allez nous dire si ces molécules peuvent aussi avoir des vertus bienfaitrices. Marc-André Sellos nous fait découvrir le monde méconnu des tanins cet après-midi sur France Inter. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing! I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, just a yellow lemon tree. Lemon tree, c'était Fool's Garden. France Inter. Du vent dans les synapses. Dans l'entrepôt, plus de 400 thés en vrac. Il y a les thés noirs fermentés, ou encore les thés verts et les thés blancs de plus en plus appréciés en France. On parlait de l'astringence, d'un côté fleuri, fruité, d'une longueur en bouche, d'une épaisseur, d'un thé charpenté, d'un thé qui a du corps, etc. Comme le vin. Exactement comme le vin. L'eau doit être à peine frémissante et l'infusion dure entre 3 et 5 minutes. Si on dépasse le temps, les tanins se développent. Ils vont donner l'amertume et éventuellement l'astringence à la tasse de thé. Notre invité, Marc-André Sellos, vient de publier « Les goûts et les couleurs du monde, une histoire naturelle des tanins, de l'écologie à la santé ». Des tanins, on en trouve aussi beaucoup dans le thé, Marc-André Sellos. Oui, on disait tout à l'heure d'ailleurs que les meilleurs thés sont ceux qui ont été élevés en altitude, parce qu'effectivement les conditions stressantes ont amené les théiers, qui sont une espèce de camélia, à développer effectivement le maximum de tanins. Alors ces tanins sont beaucoup modifiés par le traitement. Dans les thés verts, un séchage rapide les empêche de faire quoi que ce soit. Donc les feuilles restent vertes et les tanins sont assez agressifs encore, ils sont nombreux. Dans les thés noirs, que les Chinois appellent rouges, et c'est beaucoup plus juste par rapport à la couleur de la boisson, là au contraire, il y a des vieillissements, des maturations, les tanins ont le temps de s'accrocher aux protéines de la feuille, ça libérera finalement moins de tanins dans la macération. puis, il y a une kyrielle d'actions. Il y en a qui sont séchés au soleil, d'autres qui sont chauffés. Dans les thés bleus, il y en a qui sont chauffés à 200 degrés. Mmh. Et on retrouve des choses qu'on a pour le vin, après tout. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des vins qu'on fait vieillir au soleil, il y a des vins qu'on fait chauffer, comme le Madère. Et finalement, on a des crus aussi, des régions qui donnent des très beaux thés. Et dans ces régions-là, on a carrément des millésimes. Alors, on en trouve dans le vin, dans le thé, dans le chocolat, dans les clous de girofle, et la liste serait absolument interminable, alors qu'on a commencé cette émission en expliquant que ces tanins étaient produits en partie par les plantes pour se défendre, pour empoisonner leur adversaire. On a fait de ce poison une substance qui nous plaît, qui nous soigne même parfois. Eh bien oui, oui. Alors, bon, soyons clairs, les doses sont sans commune mesure avec la toxicité. Mais regardez, le clou de girofle, on en a dans les alcools de dentiste. Pourquoi ? Parce que c'est antibactérien. La noix de muscade, par exemple, c'est un hallucinogène puissant. Puis alors, je vous le recommande pas. Parce qu'en plus, ça fait vraiment très très mal au bide. Hein. Et donc, effectivement, ces molécules sont toxiques en grande concentration. Et on peut se demander pourquoi on en a mis un peu dans notre alimentation. Ouais. Alors vous allez me dire, parce que ça a bon goût. Les enfants mettent du temps à s'y habituer. C'est un trait culturel, c'est un trait appris d'apprécier ses goûts. Un peu d'ailleurs comme le goût du vin ou du thé que d'emblée les enfants, à rares exceptions près, n'apprécient pas beaucoup. Hein. Non, non, en fait, tout ça remonte, à mon avis, à l'époque où nos aliments étaient susceptibles de se corrompre dans le stockage, où nos liquides étaient susceptibles d'être contaminés par exemple, des contaminations fécales. Et où, effectivement, il était plus sain, finalement, d'avoir une petite dose de tanin dans l'alimentation, parce que ça stérilisait, ça empêchait les développements microbiens. Et d'ailleurs, on sait très bien que dans la quantité d'épices et donc de tanins que l'on met dans les plats, il y a un gradient du nord au sud. Plus on va vers le sud, plus on va vers l'équateur, plus il y en a. Or, ce sont des conditions qui sont d'autant plus propices avec la chaleur et l'humidité au développement des bactéries. Donc, c'était à la base une protection. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça, on a des frigos, hein. Mais on continue de propager cette habitude, ce trait culturel de génération en génération, alors même que la raison biologique, technique, a disparu. Ouais. On les a d'abord utilisés pour leurs vertus antimicrobiennes, pour la santé. On y a pris goût. Aujourd'hui, plus rien ne nous contraint à les utiliser. Mais on ne peut plus s'en passer. On reste accro à ça culturellement. Et c'est vrai que un chocolat ou un plat finement épicé, bah, c'est un plaisir. Mais c'est un plaisir appris. Car notre tendance naturelle est à la répulsion de l'amer, à la répulsion de l'astringence et des goûts forts des tanins. Nous apprenons à les aimer et maintenant nous les aimons même si nous n'avons plus un besoin vital, alors, sauf pour le plaisir. Nous avons appris à les aimer, nous avons appris aussi à les utiliser, les propriétés de ces tanins, et pas seulement pour la cuisine. Les propriétés antioxydantes des tanins sont aussi utilisées pour l'élaboration de produits cosmétiques. Écraser, exploser, ridiculiser les vitamines E. Les polyphénols contenus dans ces pépins de raisin sont 10 000 fois plus actifs dans la lutte contre les radicaux libres. En clair, dans la lutte contre les responsables du vieillissement cutané. Ici, les polyphénols du vin sont plus connus sous le nom de tanins. La faculté de pharmacie de Bordeaux vient donc de stabiliser ces fameux antioxydants en les associant à un acide gras. On a testé nos produits sur des volontaires et il y a une personne qui a vu ses rides diminuer de 87%. Donc on a des moyennes anti-rides absolument excellentes. En plus, c'est un produit qui hydrate la peau, il y a un effet hydratant qui est extrêmement puissant. Petit retour en arrière, le pépin se trouve au cœur du raisin. Il faut donc vendanger, érafler et presser avant de collecter la tonne de pépins nécessaire à la fabrication d'un kilogramme de principes actifs. Ça fait beaucoup de pépins de raisin pour un pot de crème, hein, Marc-André Sellos. C'était un extrait d'un reportage diffusé sur France 3 Aquitaine en 1995. Donc ces propriétés antioxydantes, elles sont vraiment utiles pour mettre au point de nouvelles crèmes anti-rides ? Alors oui, bon, moi je suis pas un spécialiste de la peau, mais je sais que c'est très très utilisé effectivement en cosmétique. Ce qui est certain, c'est que ces propriétés antioxydantes existe. Alors, cela dit, maintenant, pour la santé de l'homme, on a bien du mal à montrer qu'il y a une corrélation entre la quantité de polyphénol, donc de tanin que l'on absorbe, et des paramètres de santé. C'est encore une question très très débattue. En particulier, il y a un célèbre tanin, le resvératrol, qui est bien connu, qu'on peut trouver dans le vin, et qui a des tas de propriétés chez les souris, sur des levures en culture, qui allongent leur vie. Mais chez l'homme, on est encore très très loin de montrer que les propriétés antioxydantes du resvératrol réellement améliorent notre longévité ou notre condition de vie. On utilise des tanins dans certains médicaments aujourd'hui ? Oui, oui, absolument, absolument. Les tanins ont aussi d'autres caractéristiques, notamment au niveau de la circulation, par exemple, hein, au niveau circulatoire. Ils provoquent un tonus veineux. Ils sont aussi utilisés contre les cystites. Alors là, c'est très intéressant parce que, en fait, les tanins, nous, on n'en fait rien, hein, donc on les balance dehors. C'est pour ça que quand on boit des tisanes ou quand on mange trop de salades, comme des pissenlits, bah, ça fait uriner, hein, pissenlit, c'est... En fait, on les rejette dehors, puisqu'on peut pas les mettre dans notre métabolisme, les utiliser. Et donc, les tanins se retrouvent dehors. Et notamment, ils se retrouvent dans la vessie. Et il y a tout un tas de tanins de canneberge, par exemple, hein, ou de myrtille américaine, qui sont utilisés parce qu'en fait, dans la vessie, ils vont empêcher les bactéries qui provoquent les cystites, en altérant leurs protéines de surface, ils vont les empêcher de se fixer sur la paroi de la vessie, donc elles vont se retrouver expulsées. Voilà, donc, ce sont des utilisations dans la pharmacopée des tanins. Et il y en a une aussi plus ancienne, hein, c'est que les tanins, en provoquant des diarrhées, provoquaient l'expulsion des parasites digestifs. C'est aussi un vermifuge et un antiparasite historique. Donc on s'en sert comme diurétique ou comme laxatif de ces tanins. Effectivement, c'est une propriété qu'ont beaucoup de plantes, simplement parce que beaucoup de plantes, sinon toutes, contiennent des tanins. Les tanins sont aussi responsables de certaines odeurs que l'on peut sentir dans la nature. On peut les utiliser pour fabriquer des parfums. Ah oui, tout à fait. Alors, dans les parfums, c'est des tanins d'un lichen, qu'on appelle la mousse de chêne, mais c'est un lichen, qui sont les plus utilisés. Et là, justement, il y a à la fois, c'est les notes chyprées ou de sous-bois qu'on a dans certains parfums, comme Eau Sauvage de Dior, qui a été un des premiers parfums à utiliser ça. Et alors, là, c'est très intéressant parce que, techniquement, non seulement ça amène une note odorante, mais c'est un antioxydant. Un antioxydant qui va protéger les autres parfums. On retrouve la fonction antioxydante. Mais aussi, on retrouve la toxicité. Et aujourd'hui, il y a des législations assez strictes sur la quantité que l'on peut mettre dans des parfums, car à haute quantité, ça provoque des allergies. D'où vient ce mot tanin, Marc-André Sellos ? Alors, ça rentre encore dans la grande galaxie des utilisations qu'on a fait des tanins. Quand on dit tanin, on pense à tanage, le tanage des cuirs. Alors, le cuir, c'est des protéines, on est d'accord. Et en fait, quand on tanne des cuirs, on met des tanins végétaux avec le cuir, et ces tanins, ils font leur boulot qui est de s'accrocher aux protéines, et ça donne un espèce d'agrégat de tanins et de protéines qui est à la fois plus difficile à pourrir pour les microbes, et puis plus résistant mécaniquement. Donc ça améliore les cuirs. Pour ça, on utilisait de l'écorce de chêne. Et en fait, en langue gauloise, c'était tanne. Le chêne. Et les extraits ou l'utilisation de l'écorce de chêne a donné le mot tanin, qui nous montre à la fois l'inscription végétale des tanins, puisque tan c'est le chêne, et aussi l'ancienneté de ses utilisations. Ouais. On retrouve aussi ça dans la racine, en allemand, le Tannenbaum, qui est le sapin, j'avais jamais fait le rapprochement, l'arbre oui, tanin. Que les Allemands, bon, qui ont moins de chêne que nous, utilisent éventuellement comme source de tanin. Ouais. C'est l'arbre à tanin, Tannenbaum, Baum donc, c'est l'arbre. Alors nous avons appris à utiliser ces tanins depuis des années, des siècles. On se rend compte en vous lisant à quel point les tanins sont importants dans la nature. Et d'ailleurs vous dites qu'en écologie on appelle les gènes qui permettent aux plantes de produire des tanins des gènes clés de voûte. Pourquoi cette appellation ? Alors ça veut dire que quand on est dans un paysage où il y a des plantes qui produisent beaucoup de tanins, ben, il y en a tellement que ça empêche les microbes et les petits animaux du sol de faire leur boulot. Donc c'est des sols où la matière organique qui tombe par terre, les bouts de feuilles, les bouts de bois, pourrissent très lentement, très mal. Typiquement, c'est ce qui se passe dans les Landes bretonnes, par exemple. Dans les Landes bretonnes, si vous creusez un peu, vous avez une espèce de matière noire poudreuse, c'est des restes qui se décomposent mal. Ah oui, mais s'ils se décomposent mal, eh bien, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'azote et de phosphate relargués pour que d'autres plantes poussent. Ça fait ces paysages où il ne pousse pas beaucoup de plantes. Et vous ne pouvez pas faire d'agriculture. Et ça, clairement, c'est les tanins et la quantité de tanins que produisent les plantes qui décident finalement de ces paysages associés où il y a très peu de plantes qui poussent et de l'utilisation qu'on peut en faire. Vous avez l'art, hein, Marc-André Sellos, de nous montrer le monde tel que nous ne le voyions pas. Dans votre précédent ouvrage, Jamais seul, vous nous initiez au rôle des micro-organismes dans la façon d'organiser les paysages et dans tous les services qu'ils nous rendaient. Avec ce nouveau livre, Les goûts et les couleurs du monde, une histoire naturelle des tanins, de l'écologie à la santé, paru chez Actes Sud, ce sont les tanins qui révèlent tout leur intérêt, toute leur importance dans notre monde. Oui, on peut faire une citation de Bachelard ? Allez-y. Accéder à la science, c'est accepter une mutation brusque qui doit contredire un passé. En fait, la science, elle est intéressante quand elle nous raconte autre chose que ce qu'on imagine sur ce qu'on croit très bien connaître. Un grand merci à vous, Marc-André Sellos. Merci. À 16h, nous nous intéresserons au mal des montagnes et aux effets du manque d'oxygène sur le corps humain avec le physiologiste Samuel Vergès qui nous racontera son expédition dans la ville la plus haute du monde, la Rinconada, située à 5300 mètres d'altitude. Et dans un instant, Philippe Hénarejos et Sophie Becherel me rejoindront pour la revue d'Actu des Sciences. Clenche, cou, couteau, bijou, bouteille, sou, bibelot de lourde, marée haute, arithmétique, Noël, Père Noël, tabac, obus, un passant qui pue, la nuit, cette fois derrière le stade où tu as fait ta danse d'Indien pour lui, pour qu'il pleuve sur lui. Notre-Dame en feu qui rougeoie dans la nuit la vache. Le poing d'un mec sous, écrasé sur une bouche. Carton, citron, étron, pinson, coton, dindon, houlon, gazon, avion, majesté, vitesse du son. Cette fois derrière le stade où tu as fait ta danse d'Indien pour lui. Pour qu'il pleuve sur lui. Tout s'efface lentement. Tout lentement. Tout finit comme un os. Blanc comme un os. Le temps est si doux. Toi, bruit, Barbara, la foutue manie qu'il a de traîner son passé d'art. Kadhafi campant dans les jardins de l'Elysée, moi, dégustant mon sorbet cassis devant la télé. Nu, clope, rideau, paradis. Cette fois derrière le stade où tu as fait ta danse d'Indien pour lui. Sacaillé des mains. Le sexe pointu du chien des voisins qui nous faisait machin. L'arrivée magique des kiwis. Le mariage inattendu de Romola de Pulski. Avec Nijinsky. Le journal local. Le journal familial. Le savon doux, tout. Tes commentaires et l'art sur la terre qui tourne. Entre taf et tout. S'efface lentement. Tout, tout lentement. Donne-moi ta main. Allons descendre. Sentir ce jasmin en bas des marches. Le temps est si doux. Lentement, tout lentement, tout finit comme un os, blanc comme un os. Lentement, c'était Bertrand Belin et Barbara Carlotti. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Et pour la revue d'actu de la semaine, aujourd'hui autour de la table, il y a Philippe Hénarejos de Ciel et Espace et Sophie Becherel de France Inter. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Daniel. Les petits bruits de moteur que l'on entend derrière nous, ce sont les articulations de l'exosquelette avec lequel des chercheurs français du CEA de Grenoble viennent de réaliser une première mondiale. Ils ont fait remarcher un patient tétraplégique, Thibaut, 30 ans, cloué au lit depuis 4 ans suite à une chute qui a endommagé sa moelle épinière. Et il parvient désormais à commander par la pensée un exosquelette, Sophie Becherel. Oui, il a fallu à ce jeune homme 2 ans d'efforts acharnés pour arriver à ce résultat. Alors certes, la marche n'est pas fluide et pour les bras, Thibaut est encore gauche, mais c'est déjà une avancée considérable. Vous l'avez dit, suite à son accident, Thibaut n'avait plus la motricité ni la sensibilité de ses 4 membres. Désormais, une fois qu'on lui a enfilé sa carapace de titane, l'exosquelette, il parvient à faire quelques pas et à porter sa main au visage. Cela fait 10 ans que Clinatec, un centre de recherche biomédicale installé au sein du CEA de Grenoble, travaille sur ce projet. L'idée en revient au professeur Halim Benabid, qui est parti du principe que le cerveau, chez un tétraplégique, n'a pas perdu la possibilité de donner des ordres, simplement personne ne les entend. Le récepteur, la moelle épinière, en l'occurrence, est irrémédiablement abîmé. Sa stratégie, c'est donc de créer une interface homme-machine. C'est-à-dire qu'ils ont implanté dans son cerveau des électrodes alors ? 2 puces ont été implantées sous la boîte crânienne, une pour chaque hémisphère. Chaque implant comporte 64 électrodes qui captent les signaux électriques du cerveau avant de les envoyer par Bluetooth à un ordinateur qui les traduit en temps réel en commande motrice à la machine, en l'occurrence cet exosquelette. Pour que la traduction soit efficace, Thibaut a dû répéter des heures et des heures les mouvements sur un simulateur. Il avait en face de lui un écran, un avatar numérique, et il pensait aux gestes qu'il faisait, et puis il le corrigeait petit à petit. Il s'est entraîné comme ça. À force de concentration, la pensée s'est petit à petit affinée. Et donc, c'est pour ça que je parlais d'efforts considérables. Ensuite, 3 fois par mois, il s'est entraîné sur le vrai exosquelette. Alors, est-ce que ça, c'est un réel espoir pour les tétraplégiques ? Clairement, oui, même si aujourd'hui encore, l'exosquelette doit être soutenu par des sangles parce qu'il est trop lourd pour que le patient puisse seul tenir l'équilibre. C'est donc un point faible d'importance. Le coût de la machine aussi, c'est un prototype et ça pourrait être un frein pour l'avenir. Comme le souligne dans le Lancet où a été publiée cette première mondiale, Tom Shakespeare de l'école d'hygiène et de médecine tropicale de Londres, aujourd'hui, étonnamment, dans le monde, seulement 15% des personnes para ou tétraplégiques ont accès à un fauteuil. Fauteuil éventuellement avec joystick hein, pour les tétraplégiques. Donc pour l'instant, on a cette preuve de concept. Il faudra voir à l'usage si cet encombrant exosquelette correspond aux besoins des tétraplégiques. Donc du concept à la généralisation, il y a évidemment pas mal de temps qui va se passer. D'autant que pour les paraplégiques, d'autres travaux de recherche sont en cours, hein, Sophie. Oui, les Suisses poursuivent une autre voie, celle de la dérivation de la partie de la moelle épinière qui a été lésée. L'équipe de Grégoire Courtine à l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, implante les patients, envoie ensuite des stimulations électriques pour enjamber finalement la partie lésée de la moelle épinière. Et petit à petit, ces stimulations permettent la poussée de terminaisons nerveuses qui repoussent. Donc, après plusieurs mois de traitement, il a même été possible d'interrompre les stimulations électriques et les patients implantés parviennent à remarcher avec béquille quelques pas. C'est la preuve donc qu'il y a bien eu repousse des nerfs sur cette, en dérivation de cette moelle épinière et que le corps est capable, là encore, par la pensée, de se réparer, de s'auto-réparer. 8 patients ont été implantés, le programme se poursuit. On voit que les choses avancent tout de même et que ça n'est pas un espoir vain que de se dire que les paraplégiques ou les tétraplégiques pourront un jour remarcher. Qu'est-ce que la matière noire ? Je ne sais pas. Si je le savais. C'est la matière qui remplit mes rêves et m'empêche de dormir la nuit. Trouver une particule de matière noire serait fantastique. Cela résoudrait la plus grande des questions de la science. De quoi est fait l'univers ? Insaisissable matière noire qui fait rêver bien des astrophysiciens, mais l'étude dont vous nous parlez, Philippe Hénarejos, porte un coup dur à cette mystérieuse matière noire. Ça les fait même un peu cauchemarder parce que ça fait un moment que ça dure cette histoire. Donc là, je vais vous parler d'une étude qui a été réalisée par une équipe de l'Observatoire de Paris et qui jette un pavé dans la mare de la matière noire. Donc vous savez, la matière noire, c'est cette substance mystérieuse et totalement invisible jusqu'à présent, dont les astronomes ont littéralement rempli l'univers depuis les années 70. Alors pourquoi ont-ils fait ça ? C'est parce que si on ne la voit pas, on en voit les effets. Donc elle doit être là. Alors selon les lois de la gravitation, plus un objet est loin d'un autre, plus massif autour duquel il tourne, eh bien plus il va lentement. Or, c'est l'inverse qu'on observe en périphérie de la plupart des galaxies. Et donc on s'est dit, il y a une masse invisible qui accélère les étoiles de la périphérie des galaxies. Et on a élaboré des modèles pour décrire tout cela. L'un de ces modèles, qui est en fait le plus couramment admis aujourd'hui, disait disait qu'il devait y avoir beaucoup de matière noire dans de petites galaxies naines qui tournent autour des grandes galaxies. Or, l'équipe de François Hamer de l'Observatoire de Paris a justement utilisé les données assez récentes du satellite européen Gaïa pour étudier en détail les mouvements de ces petites galaxies qui tournent autour de la Voie lactée, qui est notre propre galaxie spirale dans laquelle nous nous trouvons. Et alors là, surprise, les orbites indiquent que la plupart de ces galaxies ont été capturées assez récemment par la Voie lactée. Donc, elles ne sont pas là depuis les débuts de l'univers, comme le stipule le modèle de la matière noire. Et qu'en plus, les mouvements de leurs étoiles peuvent bien plus facilement s'expliquer par les effets de marée, c'est-à-dire des forces gravitationnelles classiques venues de la Voie lactée, que par une grande concentration de matière noire. En résumé, dans quasiment tous les cas, il n'y aurait donc pas une once de matière noire dans ces galaxies naines. Autrement dit, on a inventé l'existence de cette matière noire parce qu'on en avait besoin dans les équations, et on se rend compte qu'on n'en a plus tellement besoin, en tout cas dans ce cas-là, pour les mouvements de ces petites galaxies naines. Est-ce que ça veut dire qu'il faut oublier totalement la matière noire et qu'elle n'existe peut-être pas? J'aimerais pouvoir vous dire que non, que ce mystère vieux de plusieurs décennies est enfin réglé, mais non. Cela veut juste dire que, si ce résultat se confirme, que le modèle le plus abouti pour décrire l'évolution et la répartition de la matière noire dans l'univers est tout simplement mis à mal et qu'il faudra peut-être même l'abandonner. Alors, c'est d'autant plus ennuyeux qu'il décrit très bien la matière noire à de grandes échelles, l'échelle des amas de galaxies et au-delà. Alors, il décrit toujours très bien la présence de cette masse mystérieuse autour des grandes galaxies spirales. Mais là, on est face à l'une des vérifications essentielles du modèle, à petites échelles, qui semble s'effondrer. Donc, c'est un problème. C'est important car ce résultat est issu d'observations précises, rendues possibles seulement par un nouvel outil, le satellite Gaïa. C'est très récent, tout ça. Avant ça, on n'avait pas ces données-là et qu'on ne peut pas faire autrement que d'en tenir compte. Alors, l'affaire n'est pas terminée parce que François Hamer, qui est l'auteur de l'étude, annonce que grâce à ces mêmes données de Gaïa, les astronomes vont avoir la possibilité de mesurer directement la densité de l'ensemble de la Voie lactée à grande échelle. Là, on sait qu'on a déjà 10 fois plus de masse invisible que d'étoiles. Alors, on verra bien si cela nous dit quelque chose sur la matière noire dans les grandes galaxies. La Voie lactée n'est que l'une d'elles, donc c'est la nôtre. Pour les autres, on ne pourra pas vérifier ça. Mais là, on pourra le faire sur la Voie lactée. Et donc, je rappelle enfin que cette matière noire qui échappe aux astronomes depuis des décennies, représente à environ les trois quarts de la matière de l'univers et que pour l'heure, quand même, toutes les tentatives pour la détecter directement ou en déterminer la nature ont échoué. Ouais, Sophie Becherel, c'est à se demander si elle existe bel et bien, cette matière noire. C'est fascinant, c'est la majorité de la matière et elle est noire, on ne la voit pas, c'est on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas de quoi est fait la majeure partie de notre univers. Ça paraît presque difficile à croire. Et oui, là, quand j'ai vu cette nouvelle, je me suis dit, tiens, on a enfin avancé. Ben oui, en fait, c'est les modèles qui sont... On a reculé, vous voulez dire. Oui, c'est ça. On y voit de moins en moins clair dans cette matière noire. Dans le reste de l'actualité, Sophie Becherel, comment peser une baleine sans trop la déranger? Oui, une baleine vivante en fait, parce que voilà, une baleine échouée ou une baleine morte, vous pouvez toujours éventuellement la peser. Et ben voilà, aussi étonnant que ça puisse paraître, ce sont des données que les scientifiques n'avaient pas jusqu'ici. Effectivement, un animal dans son milieu naturel, comme une baleine, c'est pas facile à peser, à évaluer la masse corporelle. Du coup, ils se contentaient des corps repêchés. Et bien maintenant, grâce aux photos prises par des drones, une équipe internationale avec des chercheurs australiens, danois et argentins, eh bien cette équipe a réussi à mettre au point une méthode pour mesurer la masse corporelle des baleines. Les chercheurs ont commencé par une séance photo au large de la péninsule Valdés en Argentine. Ils ont ensuite décortiqué ces photos pour obtenir la longueur, la largeur et la circonférence des cétacés. Ils ont combiné ces données au poids des baleines mortes qu'on avait déjà, afin d'obtenir un rapport volume-masse. Le modèle obtenu est extrêmement précis puisque sa marge d'erreur n'est que de 1,6%. À ceci près, reconnaissent les chercheurs, que suivant les saisons, la densité du gras ou de la viande de la baleine n'est pas la même. Mais tout de même, pour la première fois, les biologistes vont avoir cette information précise qui est indispensable finalement pour affiner le métabolisme des cétacés. De combien de kilos de nourriture ont-ils besoin? À quelle vitesse se passe leur croissance? Quelle est leur endurance? Et puis l'énergie requise aussi pour les très longs déplacements, puisqu'on le sait, les baleines font beaucoup de kilomètres. Et alors finalement, elles pèsent combien Ça dépend, Daniel, si vous prenez un baleineau ou une grande baleine adulte, vous voyez. Mais enfin, quand même, une baleine frange, c'est quand même de l'ordre de 40 tonnes. Et puis les baleines bleues les plus grandes qui existent, ça peut aller au-delà au-delà de 100 tonnes. Philippe Hénarejos, des nouvelles d'une des lunes de Saturne? Oui, Encelade. Alors, une équipe américaine a annoncé il y a quelques jours avoir identifié de petites molécules organiques dans les panaches de vapeur d'Encelade, donc le petit satellite glacé de Saturne qui mesure environ 500 km de diamètre. Alors, les chercheurs se sont un peu emballés en parlant de précurseurs de biosignatures. Vous voyez déjà où je veux en venir. Ça, on est déjà en train de voir des formes de vie, là. Voilà, c'est ça. Mais malgré tout, je vous en parle parce que leur découverte est intéressante. D'abord parce qu'elle vient du détecteur de poussière de la sonde Cassini qui avait traversé les fameux geysers qui jaillissent du pôle sud du petit satellite et qui proviennent très certainement d'un océan prisonnier sous sa banquise glacée. Les astrobiologistes y voient un lieu possible d'une chimie organique ailleurs que sur Terre. C'est intéressant aussi parce que cela complète une détection faite par la même sonde Cassini auparavant, celle de molécules organiques plus complexes. Alors cette fois, les molécules plus légères contenant de l'oxygène ou de l'azote pourraient permettre de former ce qu'on appelle des acides aminés. Mais d'abord, ce n'est pas sûr, il faut pour cela certaines conditions. Et ensuite, les acides aminés eux-mêmes ne sont pas automatiquement des biosignatures. Bref, on est encore loin de détecter les prémices de vie autour de Saturne, tout de même. Cela nous dit qu'il faudra un jour absolument renvoyer une sonde autour d'Encelade, c'est très loin, 1 milliard de kilomètres, car ce qu'expulse son océan dans l'espace reste plus que jamais intéressant à étudier si on veut tenter de saisir les mécanismes d'apparition de la vie et ailleurs que sur Terre. Ah, d'accord. Alors, recherche de vie sur Encelade, la matière noire aussi à découvrir, et beaucoup de travail à faire. Je suis désolé, je n'ai que des questions. À la maison. Un mot sur le sommaire du dernier Ciel et Espace, Philippe? Alors oui, on le consacre à retrouver la nuit. Vous savez, la nuit, elle nous fuit à cause des éclairages publics. Eh bien, on a quand même peut-être une chance que ça revienne. Merci Sophie Bécherel et Philippe Hénarejos. En deuxième heure, nous allons partir en expédition en très haute altitude avec le physiologiste Samuel Vergès. Il étudie le mal des montagnes et les effets du manque d'oxygène sur le corps humain. Il nous racontera les expéditions qu'il a menées dans l'Himalaya ou tout récemment dans la Cordillère des Andes, dans la plus haute ville du monde, la Rinconada, perchée à 5300 mètres d'altitude.